To be or not to be, not to be. Je dois stériliser mon chat. Bah oui, c'est cruel, mais c'est comme ça. Quand on a adopté ce chaton, on s'est engagé auprès de la Fondation Brigitte Bardot à stériliser l'animal afin qu'il ne se reproduise pas et que le quartier ne soit pas envahi sous peu par des hordes de félins. La peur de l'invasion. Une des peurs la mieux partagée par le genre humain. On veut des jolis chatons, mais stérilisés. On veut des chiens, mais domestiqués. Des fauves, mais en réserve. Partout, tout le temps, cette envie de maîtriser et de neutraliser ce qui pourrait devenir dangereux. Même les créatures fantastiques, des fois, se font stériliser. Prenez Twilight. En lieu et place de buveurs de sang noctambules au pouvoir maléfique, on a eu droit à des ados en mode émo qui scintillent comme une boule disco. Les loups-garous devenaient des chanteurs de boys band aux torses imberbes et aux muscles apparents. Et ceux qui étaient auparavant des créatures de la nuit sont devenus une mode pour adolescents au même titre que les handspinners ou la tectonique. Les vampires et le loup-garou aussi ont subi une castration culturelle. Et qu'en est-il des zombies aujourd'hui ? Ces créatures intimement liées à la conception de notre propre mortalité. Ces monstres irrémédiablement associés au gore et à la répulsion qui va avec. Est-ce que les zombies sont toujours des objets de subversion ou sont-ils devenus à leur tour un objet de consommation de masse qu'on va surexploiter sous toutes ses formes, toutes les formes du divertissement mondialisé? En gros, la question que je vous pose, comme pour les chats, est-ce que l'on n'aurait pas stérilisé les zombies? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglist. Ma mère me disait toujours, un jour tu seras bon dans quelque chose. Jamais elle aurait imaginé que ce serait en zigouillage de zombies. Maintenant, où on se la pète ou on se dégonfle. Vous venez d'entendre un extrait de Zombieland réalisé par Ruben Fleischer. Alors aujourd'hui, on retrouve des zombies sous toutes les formes, des films d'horreur de zombies, des comédies de zombies, des films d'auteurs autour des zombies, des mangas, des animés autour des zombies aussi, une littérature de zombies, des séries télé sur les zombies. Bref, le zombie semble pouvoir se réinventer sous toutes les formes et revenir sur tous les supports. À une époque où nos sociétés occidentales semblent de plus en plus angoissées par la menace plus ou moins proche de l'effondrement, qu'il soit économique, culturel ou bien environnemental, le zombie est devenu le vecteur idéal de nos peurs profondes. Pour explorer de manière non exhaustive la galaxie zombie, j'ai avec moi Mathieu Pinon. Bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, vous êtes journaliste spécialiste de la pop culture japonaise et vous êtes notamment l'auteur de l'ouvrage Histoire du manga moderne paru aux éditions Inis. Avec Laurent Lefebvre, tout à fait. Avec Laurent Lefebvre, exactement. Romain Nijita, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors vous êtes journaliste, spécialiste des séries et notamment pour Mad Movies et vous êtes co-auteur du livre Series Anatomy, le 8e art décrypté paru aux éditions Fantasque. Co-écrit avec Alain Carazé. Et enfin, François Cognard, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes maintenant producteur de cinéma de genre et notamment de films avec des zombies. Oui, oui, j'ai failli en faire un, pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, mais voilà, mais ça nous intéresse quand même. Ouais. Et nous rejoindra en cours d'émission Dedo, mon comparse humoriste, ce qui signifie qu'il a un énorme problème avec la ponctualité, qui est actuellement en tournée de rodage pour son 3e spectacle, ainsi qu'avec son premier projet musical, Princesse Leia. Ensemble, on va faire découvrir les différentes manières de cuisiner les zombies, les grandes réussites du genre, mais aussi les ratages. Qu'est-ce qui explique que le zombie puisse se prêter aussi bien à une démarche autorisée humoristique, télé, ciné, BD, manga, pour adultes ou pour enfants, il y a forcément un zombie fait pour vous et j'ai envie de vous dire, un zombie pour la vie. Bonjour Monsieur Sachs, vous êtes mort. Félicitations pour votre embauche à Zombilenium. Ah, Monsieur le Directeur, dites-donc, c'est pas bien joli ce que j'ai trouvé en sous-sol. Et en plus j'ai été agressé. Je vous préviens, je vais faire de ce pas un rapport à l'inspection du travail. Ah Dissac qu'il retombe sur ses pattes et que c'est un loup-garou. Dissac qu'il se transforme en chauve-souris et que c'est un vampire. Un zombie? C'était un extrait de Zombilenium, le dessin animé adapté de la bande dessinée Zombilenium d'Arthur de Pince, un film d'animation réalisé par Arthur de Pince et Alexis Ducor. D'ailleurs, je vous conseille à la fois de lire les bandes dessinées et de voir ce film français, qui a effectivement pour toile de fond un parc d'attractions dans lequel coexistent des zombies, des vampires et des loups-garous. François Cognard, je me tourne vers vous parce que vous aimez le genre. Expliquez-nous à quel moment exactement les zombies ont commencé commencé à se développer et envahir le cinéma de genre. Assez tôt en fait, au moment vraiment du cinéma muet et du premier cinéma parlant, le premier vrai film de zombies, c'est un film qui s'appelle White Zombie de Victor Halperin avec Bela Lugosi, hein, où on reprenait les codes du zombie d'Haïti et du docteur Fou qui les réanimait, etc. Oui, parce qu'à la base, le zombie est haïtien. Le zombie est haïtien, à la base il est africain, et ensuite avec les esclaves, il se déplace jusqu'en Haïti. Voilà. Donc il y a ce film, et ensuite le premier grand film de zombies est réalisé par un Français qui travaille aux États-Unis, qui s'appelle Jacques Tourneur. C'est un film qui s'appelle Vaudou, I Walk with a Zombie, de 1943, et qui est un film d'une grande poésie, d'une grande sensibilité. Donc Cocorico, c'est nous qui avons lancé la mode ? Et comme toujours, on dit qu'on ne sait pas faire du genre en France, mais on est allé le faire ailleurs. Avec des Français, c'est ça qui est fou. Et en fait, à cette époque, Tourneur inventait un fantastique poétique subtil, tout en romantisme aussi. Et il a réalisé ce film incroyable. Ouais. Donc c'est donc voilà, on a un scoop. Le premier film de zombies est un film français. Et ensuite, il y a évidemment les films de Romero. Oui, bien sûr. Quand je dis français, c'était tourné par Jacques Tourneur. Pour la RKO, aux États-Unis bien sûr, hein. Mais c'est un Français qui est parti tourner là-bas. Ensuite, bien sûr, on est arrivé à Romero dans les années 60 avec le zombie politique dont on a déjà parlé, le zombie contestataire, le zombie transgressif. Mais avant, il y avait eu quelques tentatives dans la production anglaise, par exemple. Hein. La Hammer Film avait fait un film de zombies très curieux qui s'appelait L'invasion des morts vivants de John Gilling, où on avait déjà un mix entre le zombie esclave hérité de cette culture vaudou, hein, et un zombie plus crapoteux qui frôle déjà la décomposition et le malaise physique, bien sûr. Donc ça c'était la Hammer. Puis ensuite Romero a ouvert les brèches. Hein. Et à quel moment il y a eu ce virage qui fait qu'aujourd'hui les zombies sont utilisés pour des comédies, pour des dessins animés, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une sorte de popularisation du mythe du zombie pour tout âge et pour tout genre en fait. Ouais, il n'y a pas eu un virage brusque en fait. On peut dire qu'il y a eu une longue courbe et c'est parti de Romero. Il y a eu un tel retentissement avec La Nuit des Morts Vivants et ensuite la seconde partie, Dawn of the Dead, qu'il avait co-réalisé. Le titre de zombie. Zombie, d'accord. Ouais, c'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais. Il y a un podcast sur Romero, écoutez-le, vous allez voir, vous aurez toutes les références. Et ensuite, les Italiens, les Espagnols, les Anglais se sont mis à faire du film de zombie, avec chacun une particularité. Et justement, vous qui êtes amateur de ce genre de film, quels sont les autres grands noms outre que ceux de Romero, qui ont vraiment marqué et fait des chefs-d'œuvre qui valent le coup d'être vus? Romero, c'est vraiment le patron. Hein. Derrière, on a des petits rois, des petits des réals qui ont fourni aussi une patte intéressante. Moi, j'ai une attention un peu particulière pour un type qui s'appelle Bob Clark, qui est un réalisateur canadien. Qui dans les années 70, juste après Romero, a fait un film qui s'appelait Children Shouldn't Play with Dead Things. Les enfants ne devraient pas jouer avec des choses mortes. Et c'était une des premières zombédies en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui la zombédie, c'est-à-dire une comédie de zombies, avec un groupe d'acteurs assez puants qui, pour déconner, se rend dans un cimetière et commence à déterrer les tombes et à profaner bêtement ce lieu. Et évidemment, ils s'amusent à invoquer, à pratiquer la magie noire et à l'arrivée, les morts vont vraiment revenir. C'est un film très cruel, très méchant, très hargneux et très original, qu'on a un petit peu oublié, mais qui est disponible maintenant, vous pouvez le revoir en DVD ou ailleurs. Et puis derrière, Bob Clark a fait un autre film qui est très très intéressant, et là on est encore dans la lignée de Romero, c'est Le Mort-Vivant, en 74, où c'est un soldat du Vietnam qui meurt sur place, mais qui revient parce que sa mère n'accepte pas sa mort. Et il revient dans le petit village et il retrouve les gens qui ne reviennent pas, qui sont vachement contents de leur voir revenir, etc. Sauf que évidemment, il est revenu dans un sale état et qu'il se décompose, qu'il a besoin de sang frais et que chaque nuit, il va attaquer certains habitants du village et pour se reconstituer ou éviter de tomber en déliquescence. C'est un très très beau film. Et à un moment, cette réplique géniale qui dit « J'ai bien versé mon sang pour vous, vous pouvez bien me rendre l'appareil maintenant. » Et donc là, on assiste vraiment dans la lignée de Romero à du zombie politique qui sera repris par Joe Dante ensuite, qui a fait un segment pareil, ou un soldat cette fois qui revient d'Irak mort règle ses comptes avec la société américaine. Et alors c'est quelque chose que on le voit dans les exemples que vous citez, il y a quelque chose d'assez frappant, c'est que effectivement le mythe du zombie est souvent lié aux périodes les plus sombres de notre histoire, donc en l'occurrence la guerre à son lot de victimes. Est-ce que ça a toujours été le cas de raccrocher le mythe du zombie à ces périodes? En ce moment, on le voit, on est vraiment dans une époque où les mythes sur l'effondrement, enfin les livres sur l'effondrement se vendent comme des petits pains, la collapsologie, etc. Est-ce que dans des périodes d'angoisse profonde sur l'environnement, sur les conflits militaires, tout ça, est propice à l'émergence de films de zombies? C'est un personnage idéal, c'est un personnage tellement malléable, on peut lui coller tous les codes qu'on veut presque. On en parlait tout à l'heure, on peut parfois, on tire parfois vers le vampire, on pourrait même, comment dire, affirmer que Frankenstein est une sorte de zombie et tout. Donc c'est vraiment un personnage très à géométrie variable. Donc c'est vrai que c'est le en même temps le zombie en fait. Hein, c'est mort et vivant, donc beaucoup de choses sont permises et beaucoup de choses qui ne sont pas habituellement permise dans la conduite d'un récit au cinéma, par exemple. Donc ça déborde, c'est vrai. On a par exemple eu des zombies au service de l'écologie. Des zombies qui sont revenus à la vie parce que des cultivateurs utilisaient une machine avec des ultrasons pour se débarrasser des insectes et que ça touchait le cerveau des morts qui du coup revenaient à la vie. Ça c'était en Espagne dans les années 70 où on commençait à s'occuper d'écologie, à s'occuper de ce genre à prendre en compte ces menaces. Donc oui, il est là comme un témoin qu'on ressort pour dire regardez. Ce qui peut nous arriver, regardez quelle forme on pourra éventuellement prendre si ça se passe mal. Et dans l'extrait que j'ai passé de Zombielennium et surtout dans la BD d'Arthur de Pince, Arthur de Pince nous montre que dans l'organigramme de Zombielennium, ce parc d'attractions, les zombies sont la masse laborieuse, les loups-garous occupent le rôle de cadre, les vampires sont les directeurs et au-dessus il y a le diable. Et j'ai remarqué que souvent le zombie sert de métaphore au prolétariat. C'est quelque chose d'assez commun, d'assez habituel, ou c'est vraiment... Oui, on repart aux racines. C'est l'esclavagisme. Hein. C'est les esclaves noirs qui arrivent en Haïti et qui sont utilisés par les béquets, par les blancs, pour travailler dans les champs de coton. Voilà. Il y a cette image incroyable dans Jack Tourneur, de ce grand esclave noir avec les yeux tout embués et qui est conduit par deux femmes dans un champ de canne à sucre. Et oui, c'est vrai que après, il a pris plein de formes différentes, mais à la base, oui, c'est vrai que c'est plus un esclave. On lui fait faire ce qu'on veut. Il est malléable, sauf que il a pris des formes très très variées avec les années. Hein. Y a une forme romantique aussi que j'aime beaucoup chez le zombie, qui a été utilisée dans le cinéma anglais dans un film très curieux qui s'appelait Neither the Sand Neither the Sea, ni la mer ni le sable, qui est un film qui curieusement ressemble beaucoup à un film français de François Ozon qui s'appelle Sous le sable, où Charlotte Rampling revoit son mari réapparaître sur la plage où il a disparu, joué par Bruno Kremer. Elle est le seul à le voir et c'est une sorte de film de zombies. De zombies. Oui. François Ozon a fait un film absolument. De zombies. Ouais. Et il ne savait peut-être même pas. On en apprend vraiment tous les jours. Si je peux me permettre un tout petit rajout, plus que le côté prolétaire, je pense que c'est aussi le côté masse. Parce que très souvent dans les films d'horreur, on va avoir un méchant qui va être incarné par un personnage, donc soit un vampire, soit un loup-garou, soit même un vil promoteur qui fait du capitaliste. Et c'est rarement qu'on peut parler des erreurs que fait l'humanité à l'échelle humaine, donc à l'échelle de plusieurs millions, plusieurs milliards d'êtres humains. Et en ça, les zombies, quelque part, c'est un petit peu un moyen de nous ramener à notre situation de... dans la masse, on peut faire des conneries, au sens où le zombie de Romero, on est vraiment sur mode, si on arrêtait un petit peu d'être juste des connards de consommateurs et qu'on réfléchissait un petit peu à pourquoi est-ce qu'on consomme. Et donc là, on parle à la masse sans dire à chacun, tu es coupable, toi, indépendamment. Mais tous ensemble, réfléchissez un petit peu à comment vous agissez. Donc je pense qu'on pourrait très bien s'attendre à avoir un film de zombies écologistes, où là, on ne soit pas avec des zombies qui viennent casser la gueule à quelqu'un qui gère mal la planète, mais où, quelque part, ce serait les zombies qui seraient coupables de l'extinction de la planète parce qu'ils agissent mal. Et ça serait un reflet direct de notre façon d'agir à l'heure actuelle. Je parle là, encore une fois, à l'échelle humaine et non pas à l'échelle de chacun individuellement parlant. Eh ben, on va continuer de parler de zombies, mais avant, on va écouter Aldebert avec Welcome le zombie. Papa, ouais, c'est quoi un zombie? Eh bien, un zombie, c'est quelqu'un qui est mort, mais qui regrette. Alors il revient, tant bien que mal. Et c'est gentil un zombie? Pas tous, mais celui qui est dans la chanson, il est à croquer. Mes parents et moi venons de quitter la ville pour une petite maison un peu particulière. Niveau voisin, faut bien reconnaître que c'est tranquille, puisqu'en effet nous avons vu sur un cimetière. Alors d'accord, c'est très calme, mais ça plombe. Et comme papa m'a desserré sur les zombies et loups-garous, avant d'aller au lit, je relus que les tombes. Des fois que d'une pierre tombe à l'homme fasse coucou. Ça n'a pas loupé, j'ai vu sortir une main de terre. Au nom du dessous, je me souvenais plus de mon prénom. Je te dis que je l'ai vu de mes yeux, vu la vie de ma mère. Personne m'a cru, évidemment, à la maison. Si ce zombie se présentait sur le palier, bien tout pourri, en gémissant comme au cinoche, ce ne serait pas pour nous vendre un calendrier, non. Et encore bien moins pour l'opération brioche. C'est pas souvent qu'un mort-vivant s'est déplacé, qu'un trépassé s'est inconvenant. Si sur le tapis, on lisait Welcome le zombie. Il a sonné, j'ai pensé, on est tous foutus. En plus, les zombies, ça mange à n'importe quelle heure. Moi qui ne croyais pas des masses au petit Jésus, bon là, j'ai commencé à lui demander ses faveurs. Se tenait devant moi une espèce de carcasse, surplombée d'une tête genre pizza napolitaine. Comme épouvantail, il serait drôlement efficace. Je suis sûr que les oiseaux rapporteraient les graines. Il me dit: j'ai faim puis j'ai oublié mon goûter. Je lui bredouille avant de tomber dans les vapes. À part ma famille, qu'est-ce que vous voulez grignoter? Les morts-vivants, c'est plutôt pitch ou bien douap? C'est pas souvent qu'un mort-vivant s'est déplacé, qu'un trépassé. Sur le tapis, on lisait Welcome le zombie. Il nous dit qu'au cimetière, c'est pas du tout ce qu'on pense. Que 6 pieds sous terre, les défunts chantent et dansent. Les pissenlits lient entre les dents, ça fait la teuf jusqu'aux aurores. Qu'il kiffe les enterrements, que la vie s'écoule quand on est mort. C'était Aldebert avec Welcome le zombie. Et voilà, c'était pour ceux qui auraient écouté, par exemple, le premier podcast sur George Romero et qui auraient entendu Rob Zombie. Je me disais qu'ils s'attendaient sûrement pas à écouter Aldebert. Et ben voilà, c'est la preuve que le zombie, ça brasse large. J'en profite pour dire que cette émission est réalisée par la très vivante Céline Hila. Jeanne Paravert, la grande, a préparé cette émission, la merveilleuse de Jeanne Paravert. Et à la technique aujourd'hui, le non moins excellent Rémi Sistiaga. Vous vous êtes déjà dit que la vie moderne n'était pas vraiment votre tasse de thé? Vous faites tous les jours de la semaine le même boulot sans avenir? Votre grand amour commence à se faner? Pour une mère sublime. Oh. Vous avez parfois l'impression de devenir... C'est pas la fin du monde. Zombie. Vous n'êtes peut-être pas seul. Bravo. Le responsable refuse de commenter les événements, mais certains groupes religieux évoquent le jugement dernier. Les autorités encouragent les gens à ne pas quitter leur domicile. Il est hautement recommandé d'éviter tout contact avec eux. Ah, il manque un bras. Alors, c'est quoi le plan? Frappez-les à la tête, ça a l'air de marcher. Quelque chose. 2 secondes. Et ne bougez plus. Et c'était un extrait de mon film préféré, un de mes films favoris, Shaun of the Dead, réalisé par Edgar Wright et écrit par Simon Pegg. Et donc on l'a et vu. Nick Frost évidemment, qu'on a pu voir avec cette série Spaced, cette série anglaise, voilà, excellente. Alors Le zombie, effectivement, on peut lui faire faire ce qu'on veut. Des comédies, des dessins animés, on a entendu Aldebert, des chansons pour enfants, vraiment, il est polyvalent. C'est une sorte d'intérimaire culturel assez intéressant. Mais Dedo, je crois que tu voulais nous parler d'un autre réalisateur de films de zombies, qui t'est cher. Oui, alors tout à fait, on a parlé forcément de Romero, qui a réinventé cette figure postmoderne du zombie, mais comme tout genre cinématographique qui cartonne, les Italiens aiment s'emparer de certains phénomènes, comme ils l'ont pu faire pour le Western Spaghetti. Et donc Lucio Fulci a fait la même chose, il a œuvré dans pas mal de genres cinématographiques, et il s'est rendu compte que ce qu'il maîtrisait le mieux, en tout cas ce qui avait le plus de succès, c'était le film de zombies. Et donc il a été assez marquant pour plusieurs films, dont un en particulier titré L'Enfer des zombies en France, qui a été faussement renommé Zombie 2 à l'époque, qui était une fausse suite mercantile du zombie de Romero. Et il a amené cette patte un peu transalpine, du coup, peut-être un peu plus poétique sur certains moments. C'est quoi une patte transalpine ? Bah écoute, c'est essayer de sortir des canons de l'époque du zombie pour les amener à, par exemple, une bagarre sous l'eau avec un requin, d'un zombie lui-même, tu vois. Donc quelque chose d'assez poétique. Un requin beau. Zombie ? Non, le requin n'était pas zombie. Le zombie se battait contre un vrai requin, par contre, sur le tournage. Donc c'est une scène assez marquante, qui a été aussi très marquante. Il y a eu une prise. Ouais, et après derrière la SPA a déboulé. Et oui, et il y a aussi une scène très graphique dans ce film qui plairont aux aficionados de France Inter, qui est une sorte de clou qui rentre dans un œil très graphique. Voilà, les fans apprécieront ce genre de choses. Donc oui, Lucio Fulci a été aussi très marquant. C'est pour ça que je voulais en parler dans le phénomène cinématographique, en tout cas des zombies. Et voilà, c'est un très grand nom du cinéma, même si ça n'a pas été un aussi grand que Romero. Ça me fait une transition toute trouvée, c'est-à-dire que ils ont marqué le panorama cinématographique, mais désormais aussi télévisuel. Romain Nigita, les zombies et la télévision ces dernières années, ça n'arrête plus. Ah bah ça n'arrête plus, évidemment, avec Walking Dead. Ça, on peut pas ne pas en parler, mais ça a commencé. Je crois qu'il va y avoir podcast aussi sur... Il me semble, j'ai oui, cru comprendre. Oui. Mais ça a déboulé beaucoup plus tôt que ça, en réalité, à la télévision, mais pas aux États-Unis. On a parlé de la France tout à l'heure pour le cinéma. Et ben en fait, les premiers zombies qu'on a pu voir à la télé, c'était en Angleterre, dans une série pour enfants. C'était en 1968, donc en même temps que La Nuit des Morts Vivants de Romero. Et c'était une série en marionnettes. Ça s'appelait Captain Scarlet and the Mysteron. C'était une série qui était produite en fait par Jerry Sylvia Anderson, qui était deux producteurs britanniques, qui ont notamment fait les Thunderbirds, les Sentinelles de l'air. Alors, dans les séries des vrais acteurs, ils ont fait Cosmos 1999, donc ils ont fait quand même de très très grandes séries, et ils ont fait Captain Scarlet, qui se voulait une version un petit peu plus sérieuse des Thunderbirds, et en fait le héros de la série, le Captain Scarlet, est mort, et il était ressuscité par des méchants extraterrestres, donc les Mysterons, dont le plan diabolique est de ressusciter des morts pour envahir la Terre, tout simplement. Sauf que le héros, bah, lui, échappe à ce contrôle mental, donc on est un peu dans le côté vaudou, plus que dans le côté anthropophage qu'on a chez Romero. Et sauf bah, qu'il va devoir combattre les autres morts ressuscités par les Mysterons, et notamment dans le premier épisode, un de ces morts va servir tout simplement de terroriste. Puisqu'il est déjà mort, et bah, il peut les faire péter avec une bombe pour assassiner un diplomate. Donc là aussi, on retrouve ce côté politique où finalement ces zombies servent de chair à canon pour un ennemi qui veut prendre le pouvoir. Mais on n'a pas encore ce côté, en effet, ce côté sanglant, ce côté viscération, ce côté trip, parce qu'à la télé, dans les années 60, 70, 80, c'est tout simplement impossible. On a déjà plein de séries avec les créatures de l'horreur classique, on a des séries avec des vampires, des loups-garous, que ça soit de manière comique, comme La Famille Adams, oui, ou même dans les soap-opéras, comme Dark Shadows. Tout ça, on les a. On commence un petit peu à avoir des morts-vivants façon Romero dans des anthologies. Dans les années 80, il y a la série produite par Romero, Tales of the Dark Side, où il y a un épisode avec un papy qui ne veut pas mourir et qui se réveille. Il y a un épisode de Dossier Brûlant, Kolchak the Night Stalker. Il y a un épisode très mauvais d'X-Files, qui était un crossover avec la série Millennium, avec des agents du FBI morts qui se réveillent. Bref, on n'a pas grand-chose. Et les premiers vrais zombies héros d'une série, qui sont les zombies anthropophages, gore, tels qu'on les imagine en général, bah là aussi, c'est en Angleterre qu'on les a. Et c'est avant Walking Dead. C'est une mini-série qui s'appelle Dead Set. Mm-hmm. Oui. Et Dead Set, c'est Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror. Et c'est en fait Black Mirror avant Black Mirror, ouais, puisque c'est là aussi une satire de son époque, puisque c'est une satire de la télé-réalité, qui est l'autre fléau après les zombies. Et là, en fait... Oh, je le mettrais même en 1. En 1, peut-être, oui. Puisque simplement, c'est une invasion de zombies vue du point de vue des candidats de Big Brother, qui est le Secret Story britannique. Et en plus, c'est tourné pour la chaîne de télé britannique qui fait vraiment Big Brother, Channel 4, avec le véritable présentateur et certains des vrais candidats. Et en fait, l'invasion de zombies va servir à montrer à quel point les candidats sont prêts à tout pour gagner et donc pour survivre, y compris les producteurs qui disent « bah si, si, continue à filmer, c'est sympa, ça va faire des belles images ». Donc on retrouve vraiment le ton de Charlie Brooker qu'on aura par la suite dans Black Mirror. Et puis deux ans plus tard, donc en 2010, on a Walking Dead, l'adaptation du comic de Kirkman, bien évidemment. Et alors, il y a eu des déclinaisons. Désormais, il y a Fear of Walking Dead. Fear of Walking Dead. Il y a encore une autre série dérivée qui va s'appeler World Beyond, qui va commencer au printemps, au mois d'avril. En France, ça sera sur Amazon Prime. Il va également y avoir un film avec Rick Grimes, donc qui était le héros de Walking Dead, qui a disparu Andrew dans Lincoln. La série. Andrew Lincoln, tout à fait, le shérif avec son chapeau de cow-boy à la Walker Texas Ranger, qui va avoir son propre film qui sortira en salle. Au départ, ça va être un téléfilm, finalement, ça va sortir en salle. Et ils viennent d'annoncer qu'également, il y aura des mini-séries complémentaires pour revoir d'autres personnages qui ont disparu de la série. Bref, alors que les audiences de Walking Dead s'effondrent depuis 2-3 ans, ils remettent les bouchées doubles, on ne comprend pas trop pourquoi. Il faut quand même réaliser que la série Walking Dead a été, il y a encore quelques années, un véritable phénomène d'audience. C'était une des séries les plus téléchargées au monde. Et c'était déjà la plus regardée aux États-Unis, toutes chaînes confondues. C'est-à-dire que ça faisait plus d'audience qu'NCIS. Je ne sais pas ça faisait 20 millions de téléspectateurs. C'est absolument gigantesque pour un truc avec des zombies qui bouffent des gens plein cadre dans l'image. Ce que personne n'imaginait il y a 10 ans. Mais en effet, comme la série, franchement, tourne en rond, soyons honnêtes tous autour de cette table, avouons-le. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Les audiences ont été divisées de moitié. Mais voilà, le succès de Walking Dead a permis une chose, c'est que ça a permis de faire comprendre à un très grand public quels sont les codes du mort-vivant, quelles sont les règles de cet univers-là, tels qu'ils connaissent depuis des années les règles du vampire. Maintenant, tout un chacun connaît les règles du mort-vivant, et c'est à partir de là qu'on peut en faire des déclinaisons, des parodies et aborder tous les genres. Il faut que les gens sachent comment fonctionne le zombie pour comprendre quand on le parodie. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir des séries comme Santa Clarita Diet sur Netflix. Drew Barrymore, qui change les codes, justement. Voilà, qui est une agente immobilière un peu Desperate Housewives qui devient une zombie à partir de là et complètement désinhibée à tous les niveaux. C'est là qu'on peut avoir une série comme iZombie, qui est une série plutôt ado, teenage. Et qui est l'adaptation d'un comic book, tout à fait, aussi. Par les producteurs de Veronica Mars, avec une jeune étudiante en médecine qui devient une zombie et qui surtout va manger des cerveaux pour résoudre des enquêtes policières. Parce qu'en fait, en mangeant les cerveaux, elle acquiert les souvenirs de la victime. Les enfants, ne faites pas ça à la maison. Voilà. Non, ou alors bien relevé, un petit assaisonnement. Même dans Game of Thrones, les méchants, c'est quoi ? Les marcheurs blancs. Les marcheurs blancs, c'est des zombies. Et on a carrément un dragon zombie. On n'a pas un requin zombie, mais on a un dragon zombie dans Walking Dead. Donc, dans Game of Thrones. Donc maintenant, en effet, les zombies sont tellement populaires de par tous les films dont on a parlé, les séries, les jeux vidéo aussi, Resident Evil qui, bien sûr, a popularisé ça, qu'on peut détourner tous ces codes maintenant qu'on les connaît. Alors là, on a parlé de la télévision, évidemment, et c'est toujours sur la télévision, les zombies ont connu d'autres déclinaisons, et on va se faire un petit plaisir dans Blockbuster, on va écouter un générique d'un de mes animés favoris. Le générique de l'attaque des titans de Hajime Isayama, Mathieu Pinon. Oui. Les zombies et le Japon, les zombies, le manga, les zombies et l'anime, où on en est ? Alors, on en est que c'est le Japon, comme toujours, a décidé de faire différemment du reste du monde. Tout simplement parce que le mythe du zombie en tant que tel n'a pas vraiment bien pris au Japon. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, tout simplement, c'est que déjà c'est quelque chose d'assez récent dans la culture, et c'est quelque chose d'étranger. Or, le Japon, ils ont déjà je ne sais combien de centaines de monstres dans leur folklore séculaire. Donc un truc de plus ou de moins. Les yokai, les oni. Les yokai, ils ont vu arriver ça, ils ont fait oui, bah, vous êtes bien gentils, mais on s'en fout un petit peu. On l'a en x10. Et surtout, les Japonais ont beaucoup plus peur des menaces spirituelles, dirons-nous, fantomatiques, que des menaces concrètes et physiques. Or, qui plus est, quand on voit un zombie en tant que tel, c'est quelque chose qui marche très lentement, qui est très faible. Donc, par rapport à un vampire ou autre chose, c'est beaucoup moins effrayant, concrètement parlant. Et Japonais, encore une fois. Parce que pour moi, ça marche. Une dernière chose, ce qui fait le plus peur dans le principe du zombie, c'est l'effet de masse. C'est vraiment le groupe. Un zombie individuel, on pourrait à peu près le gérer. 200 zombies, 1000 zombies, on commence moins à flipper. Or, si vous avez mis une fois les pieds à Tokyo, la masse, elle est toujours autour de vous. Donc, ce facteur-là. Ils n'ont pas peur des zombies parce qu'il y a du monde là-bas. Parce que c'est des zombies. Voilà. Ouais. Par contre, il y a des éléments du zombie qu'ils ont pris et qui s'infiltrent petit à petit dans la culture, donc de manière différente. Donc, dans l'attaque des titans, on peut donc citer les titans qui sont, après tout, rien d'autre que des zombies de 5 à 10 mètres de haut. Ils ont une allure grotesque, ils ont une démarche de bébé pour certains. Bon, par contre, quand ils chopent un humain, ils le boulottent. Certains vont très vite d'ailleurs, dont un en particulier. Oui. Toute charrette. Ah ouais. Comprend qui peut. Mais d'ailleurs, ça reste une série éminemment politique. Ah oui, vraiment, l'attaque des titans. Et surtout, c'est une des séries récentes, les mieux écrites qu'on ait. C'est-à-dire, quand on relit aujourd'hui le manga, qu'on prend le premier chapitre, dès le premier chapitre, on sait qu'on va s'en prendre plein. On peut peut-être redire aux auditeurs qui ne connaissent pas. Très brièvement, l'humanité s'est réfugiée dans une espèce de ville concentrique avec trois grands murs, donc trois anneaux qui se resserrent les uns les autres, pour se protéger de titans, des créatures gigantesques qui viennent et qui vous attrapent et vous mangent façon curly. Et le début du manga et du dessin animé qui en a été adapté, les titans reviennent et fracassent tout, et donc là l'humanité vraiment cherche avant tout à survivre et à comprendre ce qui peut arriver. Et ensuite vous n'aurez que des révélations que je ne vais pas vous gâcher ici. Outre l'attaque des titans, en plus c'était Tokyo Ghoul qui reprend vraiment le concept de la créature qui a besoin de manger de la chair humaine pour pouvoir survivre à nouveau, qui est entre guillemets ressuscité. Mais on est très très loin du concept du zombie, on est beaucoup plus sur le mort-vivant, notamment le mort-vivant intelligent. Donc c'est pour ça que Tokyo Ghoul est assez marquant par rapport à ça. On peut faire du shoujo avec le zombie, donc il y a eu Zombie Lone à l'époque, qui était un gros carton, où on a une héroïne qui est capable de discerner sur le cou des personnes un cercle noir qui se forme, qui veut dire que ces personnes vont mourir, et il y a deux beaux gosses dans son lycée qui ont ce cercle noir, elle ne le comprend pas. En fait, ils ont choisi de devenir des zombies, pour pouvoir, alors chacun a un objectif qui sera aidé, et donc pour pouvoir rembourser cette dette, ils doivent buter du zombie. Donc ce sont des chasseurs de zombies qu'elle a rencontrés, et évidemment il va y avoir ce triangle amoureux entre les deux bad boys, lequel est le plus bad, lequel... Ça a l'air bien, quelqu'un a un marqueur. Il y a une histoire d'amour aussi entre les deux bad boys ou... Alors ça on n'a pas encore eu le zombie yaoi. Mais... je me fais pas de soucis pour que ça arrive. On a chez Pika un manga qui s'appelle Sankalea, où le héros, le chat de sa famille meurt, et lui il décide de faire des expériences sur son chat pour le ressusciter parce qu'il veut faire un zombie. Et à côté, il rencontre une jeune fille qui, elle, n'a qu'une envie, c'est se suicider. Et donc ils sont en train de réfléchir tous les deux au fait de, si tu te suicides, moi je te fais revivre en zombie, et comme ça, j'atteins mon fantasme, je sors avec une zombie. C'est une belle collaboration. Ce qui est très très logique. Effectivement, hein. Les Japonais ne font rien comme les autres. Alors, je peux également vous citer Boys Be Zombicious, qui n'est pas sorti en France, où là, l'invasion de zombies est vraiment finalisée, les rares survivants ne se font plus aucune illusion, et notre héros a décidé de mourir brillamment. Il cherche donc la plus belle des zombies pour que ce soit elle qui le dévore et pas un autre. Voilà, Zombieland Saga, où on a un girls band composé uniquement de zombies, un groupe d'idols zombies. Des chanteuses de J-pop, mais zombies. Mais totalement. Z-pop. Ou encore Korewa Zombie Deska, où on a donc un zombie qui a été ressuscité par une sorcière qui va un jour boire une potion de la sorcière et va devenir Magical Girl. Donc c'est un homme Magical Girl zombie. Alors j'explique aux auditeurs, les Magical Girls, c'est comme si vous vous souvenez de ce dessin animé Amy Magique. Ou Gigi. Voilà, c'est ces jeunes filles qui faisaient un petit geste d'une baguette qui devenaient grandes et elles avaient différents métiers. Et voilà, en fait, donc il y a ça avec des zombies. Oui. Vous en rêviez, ils l'ont fait. Vous n'en rêviez pas, ils l'ont fait quand ils même. Ils l'ont fait quand même. Alors donc, il y a quand même quelques séries qui vont reprendre vraiment le concept du zombie tel qu'on le connaît. La meilleure, selon moi, est I Am a Hero chez Kana de Kengo Hanazawa. Très bon manga. Où donc on suit un dessinateur de manga qui est vraiment l'auteur s'est inspiré de lui-même, qui est loser, qui a rien du tout pour être un héros, mais qui va réussir à survivre à une invasion de zombies. Cabaneri of the Iron Fortress, donc oui, qui est fait par le même studio que l'Attaque des Titans. Donc comme quoi tout se recoupe. Où là on est des espèces de c'est du zombie steampunk. Voilà, les héros sont à travers une locomotive blindée et le seul moyen de là pour se débarrasser des zombies n'est pas de les leur couper la tête ou c'est pas la tête, c'est le cœur. Ils ont une espèce de cœur luminescent. Mais pour aller un petit peu plus loin dans le parallèle, il y a Parasite qui est un excellent manga de Hitoshi Iwaaki. Alors là, on ne parle pas de zombies stricto sensu, mais on a vraiment tous les codes de zombies qui vont arriver, c'est-à-dire que ce sont donc des extraterrestres microscopiques qui sont tombés un soir sur la Terre, qui se sont glissés via les narines, la bouche, l'œil, l'oreille dans le corps d'êtres humains, qui ont pris leur possession et donc comme des parasites, ils transforment les corps de leurs hôtes en armes de guerre. Donc, mais alors avec les doigts qui vont devenir affûtés comme des lames de rasoir pour venir vous découper, la tête qui va s'ouvrir telle une bouche de plante carnivore pour vous avaler en entier. Et on ne sait jamais face à une personne si on est face à une personne contaminée ou si on est face à un être humain totalement sain. Et ça rajoute par rapport aux zombies où justement le zombie à l'odeur, au regard où il y a du glaucome, on se doute bien que non, c'est pas un être humain. Là, il y a vraiment ce côté un petit peu litigieux qui rajoute particulièrement au suspense et Parasite va être réédité sous peu chez Glénat. Je vous conseille très très fortement de vous jeter dessus. Je trouve que pour un genre qui n'a pas eu l'air de bien prendre au Japon, il y a quand même alors, déjà trois déclinaisons. Encore même. Une fois, le genre stricto sensu, c'est-à-dire que le principe des films à la Romero, on en verra très très peu. Et au contraire, quand ça prend énormément. Je vais citer un film qui en version anglaise c'est One Cut of the Dead, en japonais c'est Kamera o Tameluna, qui veut dire n'arrêtez pas la caméra. C'est un petit film de zombies où on voit une équipe de films venus tourner un film de zombies qui se retrouve agressé par des vrais zombies. Tout ça est tourné en un seul plan séquence de 45 minutes et une fois que vous avez vu le film, on a le making-of du film qui vient vous expliquer tout ce qui s'est passé, sachant que ce making-of est un making-of fictif lui aussi. Ce film a été tourné pour 3 millions d'yens au Japon en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et ça fait 25 000 euros, 3 millions d'yens. Il a rapporté 3 milliards de yens, soit 1000 fois sa mise. François Cognard, vous avez vu ? C'est le concept, c'est comme le concept. C'est comme les recs. Les règles de Balaguero à l'époque, cinéma espagnol. Mais c'est beaucoup plus drôle. Avec une excellente idée de base, qui est le found footage. On suit tout à travers une caméra et une jeune journaliste qui enquêtait dans un immeuble, appelée par les pompiers. Et là, il y a des zombies. Et ça a été un succès gigantesque. Ouais. Ouais. Gigantesque. Concept. Alors, justement, dernièrement, Jim Jarmusch s'est essayé au genre avec The Dead Don't Die, une relecture du film de zombies, avec, excusez du peu, Bill Murray, Tilda Swinton, ou encore Adam Driver, le fameux Kylo Ren, mais voilà, il est aussi connu pour d'autres rôles bien meilleurs. Force est de constater que certains, n'aiment pas. J'aime pas, j'aime pas. C'est vraiment le film d'un vieux con. C'est la morale, c'est tout est foutu, tout va mal, tout est perdu. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il a tous fait ça pour ne rien inventer. Effectivement, c'est un film à faire mourir les vivants. Iggy Pop, alors il est grimé en mort-vivant, mais c'est tellement ressemblant que j'arrive pas à savoir s'il est mort ou il est vivant. Ben, c'est très mauvais, c'est très mauvais. C'est étrangement décevant, parce que bon, on a tous quand même pour Jarmusch une espèce de fascination, on l'aime, quoi. On l'aime. On l'aimait. C'est filmé, comment dire, à la paresseuse, 1h45, c'est un peu long pour ce... Voilà, j'ai du mal à trouver quelque chose d'original là-dedans. Bah oui, c'est paresseux, vraiment au-delà du raisonnable. Non seulement c'est filmé paresseusement, c'est même écrit paresseusement. Il ne se passe rien, c'est d'un ennui mortel. Et on arrive au bout du film et on se dit, « Where is Jim Jarmusch? The dead don't die, they are dead. » J'aime pas, j'aime pas. Vraisemblablement, ils n'ont pas aimé. Alors, on a quand même là fait une sorte de panorama, pas exhaustif bien sûr, parce qu'il y a tellement, tellement d'œuvres qui parlent de zombies, mais on a vu qu'il y a des zombies un peu partout, et j'ai envie de vous poser la question autour de la table, est-ce que au final, on n'a pas anesthésié le côté absolument iconoclaste et subversif du zombie tel qu'il était défini à la base par Romero ? Ah bah, de mon point de vue, on a commencé à anesthésier quelque part des thrillers de Michael Jackson. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait entrer de plein pied le zombie dans une pop culture et dans les foyers de la planète, on enlève toute l'aura quelque part négative du personnage, même si c'était une figure de la frayeur et que le clip a été révolutionnaire grâce au make-up de Rick Baker, qui est un des très grands noms de... La voix de Vincent Price au début. Oui, tout à fait. Oui. Non, ça c'est Vincent Price. Oui, oui. Non, oui, mais... qui fait dans le quand on voit le film tout avec le loup-garou. Exactement. Et il a pris Rick Baker parce que donc c'est John Landis qui réalise et qu'il avait déjà pris pour le loup-garou de Londres. Et de là déjà c'était compliqué de garder cette aura sulfureuse autour. Maintenant, c'est vrai que comme n'importe quel phénomène, plus on le dérive et on le décline, plus on a des chances de le diluer. Donc forcément, par la force des choses, je pense qu'à un moment on va perdre en qualité, et on s'en rend compte ne serait-ce que dans Walking Dead par exemple, qui est tellement dilué qu'à la fin effectivement on devient spectateur de quelque chose qui n'a même plus de saveur, quoi, qui devient du Canada Dry de zombies. Mais Roman Higita, justement dans Walking Dead, est-ce que c'est vraiment le fait de diluer le zombie qui a épuisé le spectateur, ou est-ce que c'est finalement le fait qu'il n'y ait pas de finalité? C'est-à-dire que autant le comic book il se tient vraiment sur un arc scénaristique qui suit les personnages, là dans la série ils seront jamais vainqueurs, il y aura jamais une fin à cette épidémie. Bah, la série, tout comme le comic, ça avait été conçu par Robert Kirkman comme le film de Romero qui ne s'arrête jamais. C'était vraiment son expression. Bon, il se trouve qu'il a arrêté le comics il y a pas longtemps, mais il n'y a pas véritablement de conclusion non plus à l'histoire dans le comics. Moi, je trouve que déjà le comics avait tendance à tourner en rond aussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, grosso modo, les personnages arrivent dans un lieu, ils commencent à recréer une nouvelle société, il y a un truc qui se passe mal, tout est détruit, ils repartent ailleurs et ils recommencent. Il y en a un qui a perdu un bout de corps entre temps. Voilà. Un petit doigt, un bout d'oreille. Et où il y a un acteur qui veut aller faire une série sur notre chaîne, donc on le zigouille. Je trouve que voilà, c'est pas tellement le zombie lui-même qui a été dilué, c'est le scénario et la tension. Moi je trouve que le fait que le zombie anthropophage à la Romero ait été trop vu, c'est aussi permis à d'autres créateurs de revenir justement aux origines plus poétiques. On parlait tout à l'heure du vaudou, c'est un peu ce qu'a fait Fabrice Gobert avec la série Les Revenants, oui. Qu'on peut ou pas considérer comme du zombie, mais on a surtout cette idée hyper intéressante, moi je trouve, dans cette série, qui est même inspirée d'un film qui bien moins bon, un film de Robin Campillo que tout le monde avait oublié, très franchement. Mais je trouve que la série est supérieure. Donc l'idée qu'on a dans la série, c'est qu'en fait, les morts qui reviennent à la vie reviennent dans un état qui dépend du souvenir qu'ont les gens d'eux. C'est-à-dire que si les gens se souviennent de leur mort et de leur disparu, ils reviennent dans un état quasi identique et pas décrépit. Et les autres revenants qui restent dans la forêt, qui commencent à être cannibales, c'est ceux que les gens ont oubliés. Quand on oublie ses ancêtres, quand on oublie ses morts, c'est là que les fantômes deviennent des morts-vivants, des zombies anthropophages. Il y a un pont à faire, alors c'est un film de fantômes, mais il y a un pont à faire avec un des films de Pixar, Coco, oui, où justement il y a cette nécessité absolue d'entretenir la mémoire du défunt, sans quoi il meurt pour de vrai. Ouais. Complètement. Et cette idée visiblement a fait florès, puisque la série donc Les Revenants de Canal+, a été diffusée telle qu'elle en Grande-Bretagne, elle a été adaptée aux États-Unis par Carlton Cuse, qui était l'un des showrunners de Lost, elle a été copiée par une autre série américaine qui s'appelait Resurrection, qui était plus ni moins qu'un plagiat, et ça a donné également plus ou moins naissance à une autre série britannique qui là reprend aussi un peu la figure du mort-vivant dépressif qui s'appelait In the Flesh. Et là en effet on retrouve cette figure dont on parlait tout à l'heure avec le film de Bob Clark, le mort-vivant, on retrouve ce personnage qui est à mi-chemin entre le fantôme, le revenant au sens propre du terme, et le zombie avec la dégradation physique, parce qu'on a ça aussi chez Gobert qui s'inspirait pas mal de Cronenberg, avec la dégradation physique qui va refléter l'état d'esprit du personnage. Donc, pour revenir au début de la discussion, est-ce que le zombie s'est dilué? D'une certaine manière, oui, mais tant mieux. Parce que ça permet d'aller rechercher dans d'autres coins une certaine originalité et sortir de la pure parodie qu'ont pu faire des producteurs comme sur la série Z Nation, qui est une parodie bas de gamme de Walking Dead, qui du coup prend des libertés et est très très drôle, mais qui fait pas franchement avancer les choses. C'est en ça que je trouve intéressant la série Santa Clarita Diet, parce qu'elle met en exergue un truc qu'on ne met plus en avant ou qu'on a que trop peu rarement mis en avant, c'est la possibilité de rémission. Donc le fait de pouvoir se dire qu'on peut revenir en arrière crée une nouvelle dynamique scénaristique qui, je trouve, rajoute au simple fait de se dire survivons. Donc c'est intéressant effectivement de fouiller un peu plus dans les arcs narratifs et de se dire, trouvons une originalité à ce thème. Et François Cognard, pour vous qui avez l'ambition justement de produire prochainement un film de genre et peut-être un film de zombies, est-ce qu'il y a une envie d'être gardien du temple, respectueux des codes qui ont été établis, ou plutôt de s'en affranchir? Non, c'est une vieille histoire. Je travaillais à l'époque pour Canal+. Canal+ Écriture, on développait des scénarios. Et il y a un jeune auteur qui avait écrit un roman passionnant qui s'appelait « Je suis venu te dire que je suis mort ». Et c'était une histoire romantique où un type mourait au début de l'histoire, mais revenait sans raison, continuait sa vie avec sa fiancée, etc. Sauf qu'il se mettait à se décomposer. Et donc, il essayait de comprendre ce qui lui était arrivé. Et donc, on avait quasiment quelqu'un qui menait une enquête sur sa propre mort pour savoir pourquoi ça s'était mal passé dans cette forêt, pas loin d'une boîte de nuit où il est mal tombé à côté d'un arbre, et pourquoi elle était dans cet état, et c'était vraiment intéressant. Donc on essaie, mais c'est il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années, donc peut-être que ce serait bien de réactiver cette histoire, oui, et d'essayer d'en faire quelque chose. Mais là, une fois de plus, moi, le versant, un de mes versants préférés de l'histoire enfin, chez les zombies, c'est le romantisme. Oui, c'est vrai. Personne va venir nous chercher, on va tous crever. Est-ce qu'on va crever, mademoiselle Caroline? Non, bien sûr que non. Elle est où, la grenouille? Elle est raide, la grenouille. On va se calmer maintenant, Teddy McGiggle. Comment osez-vous me dire ce que je dois faire? Ces choses dehors, elles ont bouffé mon caméraman? Et pas seulement eux. Des petits mômes aux yeux éteints, les enfants du fort. Et s'ils bouffent pas, ils se mordent. Et après, t'es comme eux, tu te transformes. Comme dans le jeu de fusil d'oncle David? Oui, comme dans le jeu avec le fusil. Tu peux nous dire ce que les zombies font dans le jeu du tuage, s'il te plaît, Félix? Ben, si on fait du bruit, ils vous entendent. Ils marchent tout le temps, ils essaient de te mordre, et la seule façon d'arrêter les zombies, c'est de leur tirer dans la figure avec ton arme de tuage ou de leur couper la tête. Ok, mais est-ce que les zombies sont vrais? Non, c'est juste un jeu. Voilà, vous voyez? Les zombies n'existent pas. Tu parles qu'ils n'existent pas? Le lapin de Pâques, lui, n'existe pas! Le putain de Père Noël n'existe pas! Mais ces visages inquisiteurs aux yeux éteints, oui, ces putains de faces de mort existent! Homo, homo, comme t'as dit un gros juron, nous on ferme vos putains de gueule! C'était un extrait de Little Monster de Abe Forsyth, un film australien dans lequel vous pouvez retrouver Lupita Nyong'o, qui est sorti en France le 31 octobre 2019, donc sera bientôt disponible à la location. Alors je l'ai vu, c'est un petit film sans prétention, mais qui a le mérite d'avoir un regard un peu frais sur le mythe des zombies, avec cette institutrice qui décide de cacher aux enfants la vérité de l'épidémie zombie. Et il y a des petits moments sympathiques, voilà, ça j'avais envie de le mettre, voilà, comme ça. C'était mais ça. Ne se justifie voilà, pas. Voilà. Mathieu Pinon. Oui, je voulais revenir sur sur la grande question. Donc, est-ce qu'on a dilué le zombie? Est-ce que trop de zombies retue le zombie quelque part? Et je suis tout à fait d'accord avec Romain sur le fait que avoir à un moment une espèce d'overdose de zombies peut être finalement bénéfique à moyen terme. Sur le court terme, c'est lassant, mais à moyen terme, c'est très intéressant. Là, je citais tout ce que le Japon a pu faire avec le concept du zombie qu'ils ont tordu dans tous les coups, Versailles of the Dead, des zombies à la cour de Marie-Antoinette, des zombies qui jouent au baseball, enfin ils ont tout fait. Et ben à côté de ça, la Corée, quand ils ont vu ça, Kingdom, la Corée, ils se sont dit bah non, nous on va pas faire Bozo le zombie clown. On va reprendre les choses et on va aller dans l'art, on va y aller dans le vif. Et on a eu le droit, coup sur coup, au dernier train pour Busan, oui, et après à Kingdom. Mmh. Et je pense que si le Japon s'était pas autant amusé à faire les cons avec les zombies, les Coréens se seraient pas dit, nous on va reprendre le concept on the rocks, quoi. Voilà, on rajoute rien, pas de bulles, pas de sucre, on va juste les faire courir, histoire de, mais sinon... Et c'est très intéressant justement dans Kingdom, parce que dans Kingdom, pour la première fois, alors, Kingdom mélange le coup des zombies, donc la horde bouffeur, bouffeuse d'êtres humains, contre laquelle on ne peut rien faire. En costume d'époque, donc avec une intrigue politique médiévale, dirons-nous. Et ce qui est formidable, c'est que les Coréens, donc médiévaux, commencent à faire des hypothèses sur mais qu'est-ce que ça peut bien être que ces zombies. Et donc ils vont avoir une hypothèse qui tient pendant toute la première saison, pour que à la toute fin de la première saison, ils se rendent compte que toute l'hypothèse qu'ils avaient était fausse. Et donc là, on attend la deuxième. Alors ceux qui savent, mais quelle peut bien être la véritable manière d'analyser le comportement des zombies? Quel est le véritable comportement des zombies? Et ça, c'est une question qu'on se pose très très rarement. Et une excellente série qui ne s'ouvre pas dans le manichéisme. On est souvent sur comment les tuer, comment s'en débarrasser, mais pas comment est-ce qu'ils agissent. Justement, ce qui est très intéressant dans Kingdom, le retour au sérieux justement dans cette version zombie, c'est qu'on a un propos extrêmement politique, parce que quand même l'origine de l'épidémie, c'est la famine, puisque des campagnards sont obligés de dévorer un cadavre pour survivre parce qu'ils n'ont plus rien à manger, sauf que le cadavre était infecté par cette maladie qui transforme les gens en zombies. Donc on a quand même un propos qui est assez terrifiant, qui là aussi rejoint un peu ce dont on parlait au début du podcast sur la collapsologie, puisque finalement quand on voit une série comme Walking Dead, pour lui trouver quand même quelques qualités, Walking Dead, finalement, on remplacerait le zombie par un virus, ça serait la même histoire. Mm-hmm. L'idée, c'est la survie. Et ça, c'est aussi quelque chose que les séries télé ont exploré bien avant Walking Dead, sans justement l'imagerie gore du zombie. Il y a une série formidable qui est pas très connu en France malheureusement, qui date des années 70, qui s'appelle Survivor, qui a été créé par Terry Nation. Alors Terry Nation, c'est le créateur des Daleks de Doctor Who, mmh. Et dans les années 70, il a créé cette série. En gros, c'est Walking Dead, mais sans les zombies. C'est des gens, la civilisation s'est effondrée, ils doivent reconstituer la civilisation. Et en effet, je pense que l'une des manières de revenir un intérêt dans le zombie, en effet, c'est le côté politique dont on a parlé tout à l'heure, et il y a ce côté politique dont on a parlé dans Kingdom, ou dans des choses comme Survivor, qui a eu droit à un remake d'ailleurs il y a quelques années. Et surtout, Kingdom s'est permis quelque chose que The Walking Dead n'a jamais fait, alors que quand The Walking Dead est arrivé, tout le monde est en extase, oh, des sommets d'horreur graphique comme on n'a jamais vu sur le petit écran. Dans Kingdom, alors désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je vous spoil 5 secondes sur toute une saison, donc c'est rien, il y a quand même un moment où une mère contaminée bouffe sa gamine. Et c'est d'une violence pas uniquement graphique, là, c'est vraiment l'acte en tant que tel. On n'avait jamais vu ça. De mémoire, au cinéma, je m'en rappelais pas. Mais alors, à la télévision, encore moins. Et donc, vraiment, quand les Coréens ont dit, eh ben voilà, nous, on va pas faire poète-poète, on va vraiment y aller, ils y vont et ils innovent encore avec un aspect que personne n'avait osé aller aborder en disant, mais non, on peut quand même pas montrer un parent qui boulotte son enfant parce qu'il a été zombifié. Jean-François Romero fait, à l'origine, dans La Nuit des Morts Vivants, où on voit une petite fille tuer sa mère. Avec cette ruelle. Avec sa truelle. Et c'est la mère. Là, c'est pas la petite fille qui tue sa... C'est la mère qui tue sa fille. Elle mange la chair de sa chair. C'est pas la chair de la chair qui mange la chair. Et les gens ne voient pas, mais il fait un geste de moulinet. Voilà, et mettez-vous dedans. Alors, en plus horrible, moi je suis un anthropophagus. Ah oui, oui, Joe D'Amato, George Eastman. On est dans le Eagle Beef. Quitte à aller dans le on ne peut pas y aller, parlons de nécromantique alors dans ces malades. Où effectivement. Il aura fallu attendre la fin de l'émission pour que enfin les vrais dossiers sortent. Donc on n'est pas dans du zombie, mais effectivement c'est une personne qui refuse que sa compagne soit morte et du coup il décide de pratiquer l'amour avec elle post-mortem. Donc voilà. On ne juge pas. Enchanté, France Inter. On a été plusieurs fois border nécrophilie et on aurait pu tomber facilement, ouais. Hein, les Italiens avaient donné avec porno holocauste. C'est vrai. Joe D'Amato avait rien déjà... Rien que le titre. Là, on est dans un truc surréaliste. Hein. Je ne sais pas dans quelle soirée tu peux placer. Ce soir, ça te dirait qu'on regarde porno holocauste, ma chérie? Dans des soirées, on ne sait pas s'il faut aller. Moi, j'étais parti sur le journal de Bridget Jones, mais pourquoi pas? C'est une sorte de version 2.0 de ça, t'inquiète pas. Et François Cognard, vous avez vu Le Dernier Train pour Busan? Ouais, c'est remarquable. Il y a une suite qui est en... Oui, c'est un créateur de manga à l'origine. Hein. C'est pas un cinéma. Non, il n'a pas fait du manga. Alors, si le réalisateur, ce serait du manhwa parce que c'est coréen, donc à l'origine. Il me semblait qu'il fait du manga. Il a peut-être fait un petit peu de bande dessinée en Corée, mais le réalisateur a fait un film d'animation qui a précédé Le Dernier Train pour Busan, où justement les zombies, on en a parlé dans le podcast de Romero. Oui. Ouais. Les zombies étaient des SDF. Tout à fait. Voilà, des gens devenus quasi invisibles aux yeux de la société. C'est pas un chef-d'œuvre sur l'animation en tant que tel. On sent que voilà, lui, plus il vient du live à l'origine, mais c'est quelque chose de très intéressant. Qu'il avait fait remarquer à Annecy il y a 5-6 ans, ouais, c'est 3 ou 4 ans avant Busan. Et on s'est fait, ah oui, la façon de traiter le zombie était déjà très intéressante. Et dans Le Dernier Train pour Busan, il est grappé d'un cran. il a grimpé d'un cran, même, pour bien parler de la France. Comme quoi, le phénomène reste phénoménal, dans le sens où le film de Le Dernier Train a eu un très gros succès en Corée, qui a engendré cette suite-là. Donc, il y a malgré tout un public d'aficionados qui continue d'en vouloir jusqu'à la gorge. Et d'ailleurs, quelque part, même Parasite a quelque chose du film de zombies dans son ADN. C'est-à-dire que la fin du film, quand on voit... si vous l'avez pas vu, n'écoutez pas la suite de ce podcast, hein, ou bouchez-vous les oreilles pendant un certain temps. Mais quand on voit un certain personnage remonter de la cave, c'est filmé comme un film de zombies. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a cette incursion dans ces codes du genre, du code du cinéma. Et attention, on parle bien du Parasite, le film coréen, et non pas film japonais tiré du manga du même nom que j'ai cité et qui ressort dans quelques semaines. Mais je comptais sur Mathieu pour repréciser ma pensée. Dedo, François Cognard, Mathieu Pinon, Romain Nigita, je vous remercie. Merci d'avoir comme ça exploré. Mais merci pour l'invitation. C'est univers du zombie. Une fois de plus, c'était un régal. Cette émission touche à sa fin. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, le répondeur de l'émission, ou sur la page Facebook de l'émission. Il y a également Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Blockbuster, je vous le rappelle, est un podcast original, drôle et plutôt beau gosse, uniquement sur France Inter. Blockbuster est un podcast original de France Inter.